J'inviterai à tourner, si vous l'avez devant vous, sinon je vais la lire, dans Philippiens chapitre 4, dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. C'est un court texte ce matin qui nous parle du contentement. Paul disait qu'il a appris à se contenter, à vivre dans le contentement. Chapitre 4, versets 11 à 13. Pendant que vous cherchez, je vous parle. On va parler du véritable contentement, lorsqu'on est véritablement contenté. On va essayer de trouver c'est quoi le secret de Paul pour qu'il puisse dire ça. J'ai appris. Il y a plusieurs facettes au sujet du contentement et je ne les toucherai pas toutes. Je ne les connais probablement pas tous. On va s'attarder sur le texte de Paul ce matin. C'est un message qui se veut encourageant, libérateur et encourageant pour les croyants. Donc, on va premièrement se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te demande de nous rendre visite ce matin, Seigneur, de visiter nos cœurs et de nous libérer de peur ou de crainte que nous pourrions avoir, de peur ou de crainte qui nous empêche de nous contenter en toi. Je te demande de parler à nos cœurs, Seigneur, de parler par ma bouche, par ta parole, à ses frères et sœurs, à moi-même, afin qu'on puisse entendre ta voix et être libéré, être content seulement en toi. Amen. Donc, le contexte de Philippiens, cette lettre a été écrite aux Philippiens par Paul. Hein? Paul est en prison au moment où est-ce qu'il écrit la lettre. Il est en prison. Ses amis de Philippe, de l'église de Philippe, lui ont envoyé des dons, lui ont envoyé de l'argent, et pour ses besoins en prison, et par un autre croyant. Paul profite de l'occasion à la fin de sa lettre pour remercier ces gens-là, parce que la lettre de Paul aux Philippiens a traité plusieurs sujets, et à la fin de sa lettre, il en profite pour remercier les gens qui lui ont fait un don. Et c'est dans ce contexte-là que le verset 11, Paul dit, chapitre 4, verset 11, si je ne me trompe pas, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, quelques remarques d'abord sur le contentement de Paul. Ce qu'on lit ce matin, c'est une directive de Dieu pour les croyants, pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu veut, c'est aussi qu'on en apprenne à être content dans l'état où est-ce qu'on est. Dans Philippiens chapitre 4, Paul dit aussi, il nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, il nous dit « Soyez toujours joyeux. » Hein? Puis là, il parle, dans notre texte de ce matin, d'être content dans l'état où est-ce qu'on est. Il nous appelle, dans d'autres textes, Paul nous appelle à rendre grâce en toutes choses, à rendre grâce continuellement à Dieu. Hein? C'est une attitude de cœur que Paul a apprise, qu'il veut nous transmettre ce matin. C'est révolutionnaire comme attitude, je vous dirais. Révolutionnaire parce que c'est tellement contraire à la tendance naturelle, à ma tendance naturelle, à notre tendance naturelle. C'est contraire à notre tendance d'être content dans diverses circonstances. Avez-vous remarqué que quand ça va bien, c'est pas difficile d'être content? Hein? Quand ça va bien, Patrick il est content. Papa il est content quand ça va bien. Hein? Quand les circonstances sont favorables, je suis content. Mais quand les circonstances sont moins favorables, quand ça se passe moins bien dans ma vie, quand les gens autour de moi, ou peu importe les circonstances, c'est difficile d'être content dans ces cas-là. Très difficile pour la majorité d'entre nous. Je ne dirais pas pour la totalité, je veux dire pour la majorité d'entre nous. Dès qu'il y a des circonstances défavorables, souvent, on a le taquet bas, ou on sourit moins, ou des fois on peut être de moins bonne humeur. Hein? Ça peut arriver, ça. Je disais que c'est une manière d'être content dans toutes les circonstances. Paul dit ça. C'est une manière de vivre révolutionnaire qui apporte, et là je veux préciser le mot, qui apporte une qualité de vie supérieure. OK? Une qualité de vie supérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas une qualité de vie qui provient des circonstances. T'es? Tu vois des gens qui sont souvent de bonne humeur parce que ça se passe bien dans leur vie, en général. Puis il y en a d'autres qui sont moins bonne humeur ou qui sont moins contents dans l'état où ils sont parce que ça se passe moins bien. Donc, apprendre à être content dans l'état où est-ce qu'on est, peu importe les circonstances, ça nous amène une qualité de vie supérieure à ça. C'est rare dans le monde et c'est souvent très rare chez les croyants même. On n'est pas différent. C'est rare des fois chez les croyants, pas des fois, c'est assez rare de trouver des croyants qui sont contents tout le temps. Mais là, on peut dire que ça ne se peut pas. On a des malheurs, on a des tristesses. Oui, ça se peut ça, qu'on ait des malheurs, qu'on ait des tristesses, et ça nous est triste, mais on peut être content pareil. Paul, il dit, ça y est arrivé, il l'a appris. Donc, au milieu des circonstances, où est-ce qu'on se trouve, on peut apprendre à être content. Les chrétiens ont besoin de voir ça, ont besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de savoir ça. C'est un puissant témoignage. Un cœur content au milieu des problèmes, c'est un puissant témoignage, ça. La présence d'un cœur content, ça se voit. La présence d'un cœur content, ça se voit. Et la présence d'un cœur qui n'est pas content, ça se voit aussi. On peut jouer la comédie. Là, on se voit pendant une heure, pendant deux heures. On peut jouer la comédie pendant des courtes périodes de temps. J'arrive ce matin, puis je donne la main à tout le monde, puis bonjour, ou presque tout le monde, puis salut, salut. Ah oui, ça va bien, le Seigneur est bon, tout ça. Mais si vous m'auriez côtoyé, ou si vous me côtoyez dans la journée, si vous me côtoyez au travail ou à la maison, peut-être que ça pourrait être tout autre. Mais peut-être qu'il n'est pas aussi content qu'il dit. Il affiche pas. On peut jouer la comédie, mais ce qu'on veut, c'est avoir le vrai contentement. On veut être vraiment content. Es-tu content de ça? Ce matin, je vais classer l'assemblée en trois catégories. Et là, je sais qu'il y en a qui s'interrogent. Qu'est-ce que tu veux dire, là? C'est pas un jugement. OK? Je fais partie d'une des trois catégories. Et c'est pas un jugement, c'est pas des meilleurs que d'autres, vraiment. Là, c'est vraiment pas ça. Il y a des personnes pour qui la vie, c'est relativement facile. T'es né comme ça. T'es né dedans. Ça a tout le temps bien été pour toi, puis tout ça. Puis les circonstances, on dirait qu'ils sont pour toi. Donc, il y a des personnes pour qui la vie est relativement facile, pour qui les circonstances, on dirait qu'ils sont tout le temps favorables pour eux autres. T'sais? On dit, pas qu'ils sont chanceux. Souvent, ils vont dire ça. Lui, il est chanceux. T'sais. Mais qui, malgré tout, ont de la difficulté à être contents. Ça va bien, me semble, puis tu as de la difficulté à être content dans cette situation-là. Et les autres personnes, deuxième catégorie, qui pour qui les circonstances sont difficiles. C'est pas toi nécessairement qui crie, les circonstances sont là. T'es? Et les circonstances sont difficiles, et c'est encore plus difficile d'être content dans ces circonstances-là. Et il y a l'autre catégorie comme Paul, qui, au milieu des circonstances difficiles, arrive, éprouve un contentement surnaturel. Et tu dis, OK, j'aimerais ça être comme ça. Moi, je veux être comme Paul. Je veux avoir ce contentement-là. Alors, notre objectif de ce matin, c'est justement de découvrir le secret de Paul. Ceux qui ont une bonne mémoire, là, une mémoire extraordinaire, au mois d'octobre l'année passée, j'ai parlé de ça. Luc? Non. Donc, notre objectif de ce matin, c'est de découvrir c'est quoi le secret de Paul. Premièrement, on va regarder les circonstances de la vie de Paul. Si Paul a été choyé toute sa vie, c'est facile pour lui dire « j'ai appris à être content ». T'es? Mais il ne vit pas dans mon époque. Il ne vit pas dans les années 2000. Il n'a pas vécu dans les années 40, 50, 60, la grosse misère, lui-là, là, ce Paul-là. Enfin, on va regarder c'est quoi ses circonstances, c'est qui ce Paul pour pouvoir dire « oups, ok ». Il a appris, puis il a vécu ça. Bon, OK, ça m'intéresse un petit peu plus ce qu'il a à me dire. Donc, au moment où est-ce que Paul écrit la lettre aux Philippiens, c'est environ les années 60, approximatif. Pas 1960, mais 0060. OK? Paul est âgé entre 55 et 60 ans au moment où est-ce qu'il écrit ça. Il écrit bien des lettres, tout ça. et bien des voyages, tout ça. Ça fait entre 25 et 30 ans qu'il est sauvé, qu'il est croyant, que Dieu lui est apparu, et qui a été sauvé par Jésus-Christ. Ça fait environ 25 et 30 ans qu'il est un croyant, qu'il est un chrétien. Et ce qui caractérise sa situation présente, du moment où est-ce qu'il écrit la lettre, c'est qu'il est en prison. Ça fait au moins 2 ans et demi qu'il est en prison au moment où est-ce qu'il écrit cette lettre-là. 2 ans et demi qu'il est en prison. 2 ans à Césarée. Il a fait un voyage vers Rome, il a fait un naufrage, et tout ça, ça fait environ 2 ans et demi, peut-être plus même. Donc, c'est des circonstances difficiles. Dans sa lettre aux Philippiens, toujours chapitre 4, verset 12, sa lettre caractérise un peu ce qu'il a vécu, ce qu'il vit présentement. Au verset 12, ça nous parle d'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Il parle d'avoir faim. Il parle de disette. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. À la fin du verset 17, il nous dit, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Je suis dans la détresse, puis vous avez bien fait de prendre part. Vous avez bien, au verset 17, chapitre 4. Et ailleurs, dans sa lettre, il va parler des besoins. Il dit, j'ai des besoins, moi aussi, tu sais. Donc, ce qui caractérise la vie de Paul, ce sont des circonstances très difficiles. Moi, personnellement, je ne pourrais pas dire, j'ai vécu des circonstances difficiles comme ça. Okay? J'en ai vécu, mais pas comme lui. J'ai pas fait naufrage, j'ai pas été attaqué, j'ai pas été lapidé, j'ai pas, tu sais, moi je prends l'auto, puis quand il part pas, il fait venir l'auto, oui. T'sais? Lui, il marchait, il est en bateau, tout ça. La vie de prison, là on dit Paul est en prison au moment où est-ce qu'il écrit cette lettre-là. La vie de prison, c'est pas comme aujourd'hui. J'ai jamais été dans une prison de nos jours, là, moderne comme ça, comme celle-là. J'ai pas été dans ces prisons-là. La vie à prison à l'époque est différente de nos jours. Aujourd'hui, on a quoi? On a la cafétéria. 2 ou 3 menus à la prison. On a des gymnases, on a la télévision. J'ai même vu des gens qui avaient Internet dans leur cellule, tout dépendant de quel pays, de quelle place, quel endroit, tout ça qu'on est. Vous êtes logé, chauffé, nourri, éclairé, tout ça, dans votre cellule. C'est le gros luxe. Si Paul avait été dans ce temps-là, mes amis, je pense qu'il n'en serait pas sorti. Il aurait été sur Internet tout le temps, écrit des courriels. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais comparé à ce qu'il vivait dans un cachot, dans une caverne pratiquement, où est-ce que c'est humide, c'est totalement différent. À l'époque, je disais, lorsque Paul est en prison, ce sont des circonstances très, très difficiles. Extrêmement difficiles. Et malgré tout ça, malgré son âge, malgré ses 2 ans et demi minimum en prison, malgré le fait que c'est dans une prison, il est à Rome, c'est une prison romaine en passant, il peut dire, j'ai appris à être content. On peut dégager des leçons des écrits de Paul. Première chose, ce que Paul est en train de me dire, que malgré les circonstances, il dit, le vrai contentement ne dépend pas des circonstances favorables ou défavorables dans lesquelles on se trouve. Le vrai contentement ne dépend pas des circonstances favorables ou défavorables dans lesquelles on se trouve. Le vrai contentement ne dépend pas d'un compte en banque bien garni. Il ne dépend pas d'un garde-manger bien rempli. Le vrai contentement ne dépend pas d'un fonds de pension qui va assurer mon avenir. Le vrai contentement ne dépend pas de la liberté, chose que l'on tient mordicus. Paul est en prison et dit, j'ai appris à vivre dans le contentement. Donc, je dois en tirer conclusion, leçon, que le contentement, être content, ça ne dépend pas de ma liberté. On parle du vrai contentement. Ça ne dépend pas de ma santé. C'est ce que Paul nous apprend ce matin. Deuxième leçon que je peux tirer, c'est que c'est possible d'être content au milieu de circonstances défavorables. C'est possible d'être content au milieu de circonstances défavorables. C'est possible. Alors, le Seigneur veut que ce soit un encouragement pour nous ce matin, pour nous autres, pour moi, pour toi. C'est possible d'être content dans des circonstances défavorables. si on a de la difficulté, si vous avez de la difficulté à être content quand ça va bien, puis surtout quand ça va mal, alors rappelez-vous que Paul a passé par là. Hein? Pas dire, ah, il y en a eu plus pire que moi. Non. Il a passé à travers ça, puis il était capable de dire ça. Je veux connaître son secret. Je veux savoir comment il fait. C'est surtout ça, là. Tu sais, lorsqu'une personne va mal, qu'est-ce qu'on fait? On va l'encourager. On va dire, ben, j'en connais un pire que toi, Job. T'sais, on lui parle de Job. T'sais. C'est pas tout le temps encourageant. T'sais. Même si c'est la parole de Dieu. Quand je fais le pas bien, on me dit, ben, il y en a d'autres qui font mieux que toi. Ça m'enlève pas mon mal du tout. Mais de savoir qu'il y en a d'autres comme moi, qui filent comme moi, qui ont ce problème-là, puis malgré tout, sont capables d'être contents. Oups! Ah, ben, je veux savoir son truc. Je veux savoir c'est quoi. T'sais. Donc, on s'arrête sur les circonstances difficiles de Paul. Paul nous rappelle que la vie chrétienne normale est faite de besoins. La vie chrétienne normale, elle est faite de besoins. Okay? On a trop souvent tendance, en tant que moi j'avais tendance à penser ça quand j'étais plus jeune croyant, à penser que la vie du chrétien, elle était exempte. Elle n'avait pas de problème, il n'y en avait pas de difficulté. Ben j'ai frappé, hop, un mur. Hein? Je me convertis, Dieu me sauve, là j'aime, il enlève mes péchés, donc Dieu prend soin de moi, tout ça, hey, c'est fini le problème, tout est beau. Les portes vont s'ouvrir, mon ami, tu sais. Non, c'est pas comme ça. Hein? La vie du chrétien normale, la vie chrétienne normale, elle est faite de difficultés. Elle est remplie de besoins. Chapitre 4, verset 6 de Philippiens nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Paul nous dit, les besoins, ça existe. Quand tu es un chrétien, ben, on sait ça, mais quand on est un croyant, les besoins ne s'en vont pas. Ils sont là pareil. J'ai des besoins pareils. Hein? Donc, Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Les gens à qui parle Paul, les Philippiens, ils avaient des besoins eux aussi. Un besoin, c'est quoi? C'est une situation de manque de quelque chose. Hein? C'est une situation où quelque chose qui manque. C'est ça un besoin. Je ne l'ai pas, puis ça manque. Donc, il y a un besoin. Il y a un besoin qui est créé là. Et c'est normal qu'on connaisse des situations qui ont des manques dans notre vie. Hein? On ne vit pas au paradis. Hein? On a la vie éternelle, mais on ne vit pas au paradis. Et non, on ne vit pas en enfer. Hein? C'est pas ici. Pourquoi est-ce que le Seigneur, on devrait se poser cette question-là, pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'on ait des besoins? Pourquoi est-ce qu'il... On dit, Dieu est tout-puissant, hein? Dieu peut pourvoir, Dieu est... À moi la terre, hein, et tout ce qu'elle renferme, la Bible dit. Dieu dit ça, c'est tout à moi. Et on dit, des fois on se dit, mais Dieu n'a pas besoin de ça, Dieu n'a pas besoin de moi, moi, puis... Tout est à Dieu. J'ai été créé par lui et pour lui. Donc, pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait des besoins dans ma vie? Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait des besoins dans ta vie? Probablement pas pour plusieurs raisons, mais une raison en particulier, c'est je crois que Dieu choisit les besoins comme opportunité pour se révéler à toi. Dieu choisit les besoins que tu as, ou il permet des besoins dans ta vie pour comme opportunité à se révéler dans ta vie. Si on pense à... On va prendre des exemples. Israël au désert. Ah, c'est sûr. Hein? Israël au désert. Israël est acculé à la mer Rouge. Et en arrière, autrement dit, la mer Rouge là, et en arrière, il y a Pharaon qui s'en vient puis il veut rentrer dans le tas. Hein? Ils ont un grand besoin. T'sais? Je dis, enlève ça, fais quelque chose, on vole, t'sais? N'importe quoi. Ou détruis-les, mais on est dans le besoin présentement. C'est soit qu'on rentre là, qu'on se noie, soit qu'on attend, qu'on se fait frapper. On ne peut pas contourner, on est pogné dans un coin. Donc, ils sont acculés à la mer Rouge. Et excusez, il y a Pharaon qui les menace derrière. Si Israël, on parle du peuple d'Israël, n'avait pas été exposé à cette situation, est-ce qu'ils auraient pu voir Dieu agir et ouvrir la mer en deux? Et passer à sec, là, et voir le peuple, le peuple d'Égypte, l'armée d'Égypte se faire détruire. Est-ce qu'il aurait vu la puissance et la grandeur de Dieu à cette occasion-là? Non. Donc Dieu s'est révélé dans une occasion, dans une circonstance très difficile dans la vie du peuple d'Israël. Et je vous suggère que Dieu n'a pas changé de méthode. C'est une de ses méthodes, je devrais dire. Dieu utilise les besoins souvent pour se révéler dans ma vie, dans ta vie. La prochaine fois que tu es dans le besoin, ça va arriver dans 5 minutes. Ça va faire « Oh, j'ai faim! » La prochaine fois que vous êtes dans le besoin, dans des circonstances difficiles, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me raconter? Qu'est-ce qu'il veut me montrer aujourd'hui? Ou cette semaine, ou dans cette circonstance-là. Au lieu de vouloir fuir la circonstance qui est mauvaise, dis, je vais passer à travers, mais avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Israël, toujours au désert, lorsqu'ils ont manqué d'eau. Ils disent, on va mourir, on aurait dû rester en Égypte, on serait pas mort, au moins là, on était nourris, puis tout ça. Hein? Est-ce que il aurait pu, si il n'aurait pas été dans le désert, Israël, est-ce qu'il aurait pu comprendre et voir que Dieu a juste à frapper un rocher et donner de l'eau en abondance en plein désert pour tout le peuple et pour tous les troupeaux? Il n'aurait pas vu ça. Ça aurait été des dires, encore une fois, qu'on a à croire, parce que c'est les rouleaux en parlaient, la parole de Dieu, mais quand tu le vois, quand tu as la possibilité de voir, ça fait éclater, je trouve, la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire. Nous, on dit, on est créé pour sa gloire et Dieu veut se révéler. Donc, si Israël n'aurait pas passé tant d'années, 40 ans dans les airs, il n'aurait pas vu ça, cette occasion-là, de voir Dieu les délivrer de leur soif. La même chose encore, Israël dans le désert, on a faim, on va mourir. Et Dieu, jour après jour, année après année, mois après mois, il les a nourris de la manne. Chaque matin, il y avait la manne, une certaine nourriture qui était sur le sol. Il allait se nourrir, il allait la prendre. S'il n'aurait pas été dans le désert, il n'aurait jamais vu ça. Gloire à Dieu. Souvent, le Seigneur nous fait vivre des situations pour nous montrer à quel point il est capable de pourvoir à nos besoins. C'est pas une game pour Dieu, c'est lui. T'es? Nous, on a cette tendance-là, je dis bien, j'appelle ça une tendance, si la tendance se maintient, on a cette tendance à vouloir être autonome. OK? Et Dieu qui est notre Père, lui, il veut se révéler à nous, il veut nous montrer, j'ai pas mal mieux pour toi que ce que tu penses que tu peux te donner, que ce que tu penses que tu peux faire. Donc, Philippiens 4, 19, c'est une... OK. Il faut accepter qu'on va connaître des besoins. Il faut accepter que toute ma vie, je vais connaître des besoins. Même à ma retraite, quand j'ai accumulé mon gros fonds de pension, je vais continuer de connaître des besoins. Il faut cesser d'espérer de vivre une vie toujours au-dessus des circonstances. Je ne peux pas vivre au-dessus des circonstances. Non, je vis dans les circonstances. Les circonstances, tu sais, ça arrive, on ne sait pas d'où, à droite, à gauche. On ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas les événements, tout ça. Il ne faut pas essayer d'espérer de vivre. Un jour, je vais vivre au-dessus de ça. Un jour, ça ne me dérangera plus dans le sens de vivre au-dessus. Non, ce n'est pas la réalité. Ça fait partie de la vie chrétienne, ça. Les besoins, les circonstances difficiles et faciles. Verset 19 nous dit... C'est une consolation pour le croyant, du chapitre 4, si je ne me trompe pas. Verset 19 nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Yes, oui. La situation... de manque ne devrait pas nous effrayer. Et ça le fait souvent. Je manque d'argent, je manque de temps, je manque de nourriture, je manque de moyens de locomotion, je manque de compagnie, je manque. Ça ne devrait pas nous effrayer. Au contraire, ces situations-là qui ont tendance à nous effrayer, à nous faire craindre, à nous donner de l'anxiété, à nous donner du stress, ces situations-là devraient au contraire nous amener aux pieds du Seigneur. Ça devrait faire ça. Hein? Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit, comme je l'ai lu tantôt, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec actions de grâce. » Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Hein? Inquiète-toi pas, parle-en à papa, parle-en à Dieu. Inquiète-toi pas, parle-en, ça va ensemble. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il nous dit « Approchons-nous donc avec assurance, parce que Jésus a payé le prix. Je n'ai pas à craindre, mon Dieu. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce. » Il dit, pour obtenir miséricorde, trouver grâce et pour être secouru dans nos besoins. Hein? Je m'approche de Dieu, il peut me secourir. Ne t'inquiète pas, fais connaître tes besoins à Dieu. Fais connaître vos besoins à Dieu en toutes choses. Mais on prend pour acquis, on sait qu'est-ce que ça veut dire être content. Mais être content, ça veut dire quoi? Hein? Tu reçois un cadeau, t'es-tu contente, Esther? Oui, je l'ai eu, ma paire de patins roulettes. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être content? C'est quoi? D'un, c'est quoi le contraire qu'on pourrait penser, puis ce qui est vrai aussi, c'est quoi le contraire d'être content? Déçu. Être déçu. Triste, oui. Malheureux, peut-être. Être content, c'est pas un piège, là, il n'ose pas répondre. Je te vois venir. OK. Non. Je t'ai, tu ne savais pas que tu étais inclus dans le message. Là. Donc, souvent, le contraire d'être content, si je peux dire, frustré, ouais. Mais oui, quand on n'est pas content, souvent, il y a des murmures, il y a des plaintes. Il y a un apitoiement sur soi. Il y a de la révolte, de la frustration, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce que Paul voulait dire quand il était content? Il dit, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Non, être content, ça ne veut pas dire ne jamais être triste. Ah, j'espère que vous êtes heureux d'entendre ça. Être content, ça ne veut pas dire être, ne jamais être triste. Le Seigneur Jésus a éprouvé de la tristesse. Hein? Paul dit lui-même dans sa lettre aux Philippiens, il dit, Philippiens chapitre 2, verset 25, il dit, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » C'est lui, le monsieur qui vient de Philippe, qui vient porter l'argent. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Donc, Paul, il dit, je suis dans la tristesse. J'ai une certaine tristesse, et Dieu a eu pitié de vous et de moi, afin qu'il ne meure pas, que je ne sois pas tristesse sur tristesse. Donc, Paul vivait de la tristesse aussi. Pourtant, il pouvait dire, j'ai appris à être content. Ben là, décide, es-tu triste, es-tu content? Là? C'est quoi la joke? J'ai pas toutes les réponses, mais je vais vous mentionner deux choses. Proverbe chapitre 15, verset 15 nous dit, « Le cœur content est un festin perpétuel. » Le cœur content est un festin perpétuel. Philippiens 4, 7, je vais compléter avec ça, il dit, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le contentement que Paul expérimentait, c'était une paix intérieure. OK? Surnaturel au milieu de circonstances extrêmement difficiles qui auraient, je dirais, fait sombrer n'importe qui. Mais à cause que cette paix qui vient d'en haut, que Dieu lui avait procurée, que Dieu est venu déposer dans son cœur le jour où est-ce que, qu'il l'a appris, parce que cette paix-là, on n'a pas nécessairement, on a la paix avec Dieu, dans le sens qu'on n'est plus condamné, on n'a pas la colère de Dieu, mais Paul dit, j'ai appris aussi. Donc, il a appris des choses, même après être croyant. Donc, c'était une paix intérieure qu'il a appris à travers des circonstances difficiles. À travers tout ça, Paul pouvait dire, j'ai appris à être content. Le contentement, ça se voit par une confiance tranquille, une sérénité qu'on a. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses inquiétantes qui se passent autour de nous. Ça ne veut pas dire que je suis inconscient. Il y a le feu autour de moi, puis je n'ai pas de problème, Dieu va me sauver. Non, tu sais, je suis intelligent, puis je suis à agir. Mais dans tout ça, dans toutes les circonstances qui peuvent arriver, j'ai une paix intérieure. Je ne vis pas dans l'anxiété. Je ne crains pas le mal parce que je dis, Dieu, je connais mon Dieu. Hein? Je sais que peu importe ce qui va arriver, Dieu est là. Je n'ai pas dit, peu importe ce qui va arriver, Dieu va m'en faire sortir. C'est pas ça que j'ai dit. Des fois, Dieu veut qu'on passe au travers. Puis des fois, ça va s'arrêter là. T'sais? Je dis, Dieu est au contrôle. C'est reposant, c'est rafraîchissant, c'est, je trouve pas le mot là, sécurisant de savoir que Dieu est au contrôle. Le Dieu que je connais. T'sais? Pas juste Dieu marqué sur un bout de papier. Comment est-ce que Paul a découvert ce contentement-là? Il l'a découvert. Hein? J'ai appris. Comme si Paul nous laissait entendre ou sous-entendre qu'il y a eu un moment donné dans sa vie chrétienne qu'il ne le savait pas. J'ai appris. Hein? C'est pas, ça m'a été donné, puis quand je me suis converti, oups, c'était tout fait. J'ai appris à vivre dans le contentement. C'est comme s'il nous disait, il y a un moment donné dans ma vie où est-ce que je ne savais pas comment vivre dans le contentement. Mais je l'ai appris à travers ça. J'ai appris à être content. Je vous dis, je soupçonne, puis probablement qu'il a appris à travers les circonstances, à travers ses épreuves. J'ai appris, ça devrait être une bonne nouvelle pour vous. Ça veut dire, ça s'apprend. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour tous ceux qui passent à travers des moments difficiles. C'est une bonne nouvelle pour nous qui avons passé à travers des moments difficiles, où est-ce qu'on n'était pas content, qu'on voulait juste s'en sortir, puis pfiou, ça a sorti. Mais c'est comme une roue, ça revient. Ça revient, ça va revenir, ça va revenir. Je ne suis pas pessimiste, c'est ça la vie dans le sens. Donc, ce matin, je ne veux pas vous dire comment vous sortir des épreuves, mais comment passer à travers l'épreuve, à travers les circonstances difficiles, tout en étant content, dans l'état où vous êtes. Ça ne veut pas dire que ben, je suis content, je ne veux plus m'en sortir, c'est pas ça du tout. Là. Si vous avez des difficultés à apprendre, ben moi et Patrick, là, tu ne m'aides pas plus. Là. Moi, j'ai tout le temps eu des difficultés. Je suis dyslexique spirituellement. Moi, là. J'ai des difficultés à apprendre. Là. Ça va pas bien. Là. 1 Pierre 5,10. Un petit verset pour vous. 1 Pierre 5,10, il dit, « Dieu vous perfectionnera lui-même. » Dieu vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Hein? Difficulté à apprendre, c'est pas grave. Le Seigneur est plus grand que ma difficulté. Le Seigneur est plus grand que ma faiblesse. Il est plus grand que notre incapacité. C'est lui qui va nous montrer. Encore. Moi, je suis toujours impressionné par le fait que c'est Dieu qui agit dans ma vie. C'est lui qui me montre, c'est lui qui me transforme, tout ça. Ben oui, je lui obéis, puis je le sers, tout ça, puis, parce qu'il a mis ce désir-là en moi. Mais ce que j'ai tendance, quand je vois ça, je dis, hey, c'est lui qui va me perfectionner, qui va m'affermir, qui va me fortifier, qui va me rendre inébranlable. Je dis, ah, oh, mais merci Seigneur, gloire à Dieu. Je dis, oups. Là, tu m'enlèves un poids à ses épaules, là, parce que j'ai tout un contrat, ça. T'sais? Difficulté à apprendre, c'est pas grave, le Seigneur est plus grand que nos difficultés. Hein? Maintenant, on arrive à l'essentiel, c'est-à-dire le point à la fin de la phrase. Non. On arrive, vous voulez voir si vous écoutiez, puis il n'y a pas besoin de ça. On arrive à l'essentiel, au verset 13. C'est quoi le secret de Paul? Il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La Bible en français courant nous dit ceci. « Je puis faire face à toutes ces situations grâce à Christ qui me fortifie. » C'est plus clair, là. Celui, Christ. Hein? Je puis tout. Ça ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi. Je peux faire face à cette circonstance-là dans le contexte. Je peux faire face à cette difficulté-là, à ces situations difficiles, par celui qui me fortifie. Fortifier, c'est rendre plus fort, c'est rendre capable. Hein? Donc, je puis tout par celui qui me rend capable. Je suis plus tout par celui qui me rend plus fort. C'est lui, c'est son œuvre dans ma vie. Et étant donné que c'est son œuvre, ça lui donne gloire. Hein? À moi la gloire, tu dis. Un auteur québécois a traduit la même chose qui dit, quand ça dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », lui a traduit « Je peux être content quand ça va mal, parce que le Seigneur m'en rend capable. » Je peux être content quand ça va mal, parce que le Seigneur m'en rend capable. Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Donc, le secret de Paul, c'est Jésus. Hein? Ce n'est pas Paul, ce n'est pas son grand savoir, ce n'est pas sa prestance, ce n'est pas sa popularité, ce n'est pas ses nombreux amis. Non, le secret de Paul, c'est Jésus. Hein? C'est une confiance inébranlable que Dieu est au contrôle de sa vie. Dans les circonstances difficiles comme dans les circonstances faciles, Dieu est au contrôle de ma vie. C'est Jésus le capitaine. Hein? C'est Jésus qui est à la barre de ce bateau-là. C'est Jésus qui fait la différence dans la vie de Paul. Il dit, j'ai appris à faire confiance à Dieu. J'ai appris à travailler avec Jésus-Christ. J'ai appris à laisser Dieu agir dans ma vie. Hein? Je ne m'inquiète pas, j'ai le meilleur capitaine du monde. Et il conduit le bateau, il conduit mon bateau, il conduit ma vie. Je n'ai pas à m'inquiéter. C'est moi qui est à la barre, oups! Ben, serrer plus fort, puis donner des coups. Mais là, non. Je suis en arrière du bateau, ou je suis en avant du bateau, peu importe, puis c'est lui qui conduit. Je m'inquiète pas, hein, parce que c'est lui. Psaume 30, verset 11, ou verset 12, selon votre version, il dit, « Tu as changé, c'est David qui dit, « Tu as changé mes lamentations en allégresse. » Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Dieu fait ça dans la vie de David. Et Dieu peut faire ça dans notre vie. Et Dieu veut faire ça dans notre vie. Ça s'apprend à vivre dans le contentement au milieu des circonstances difficiles et des circonstances faciles. Si on aurait eu un joueur de piano, on aurait pu chanter le psaume 23. Donc, est-ce qu'il est pas loin, il est de l'autre côté? OK, parfait. On va terminer. Je vous invite à tourner. À tourner dans vos Bibles le psaume 23. Et en même temps, je vais essayer de trouver le numéro 264 dans J'aime l'Éternel 1. Il l'a ici. Parce que ça dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » C'est mon Dieu, ça. Hein? David connaissait pas Jésus-Christ, mais qui connaissait très bien Dieu. Hein? Il dit, « L'Éternel, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. » Lui aussi avait appris à vivre dans le contentement. Okay. Oui, tu peux l'arrêter.